Chroniqueur à Futur Simple. Donc, mais pas nouvelle à CKRL. Bonjour Isabelle. Bien, bonsoir Valérie. Alors en fait, auparavant, tu étais à l'émission Culture Club avec François Tremblay. Oui. Et tu as même été aussi, c'était l'été dernier, à Salsa et Terraza. Oui, donc, tu connais la maison, tu connais les micros. Oui. Bienvenue à Futur Simple. Et merci beaucoup. Donc aujourd'hui, tu te joins à nous et tu veux nous parler des souris de laboratoire. Oui, ben en fait, c'est un article que j'ai trouvé tout de même assez intéressant parce qu'on sait que bon, les souris de laboratoire sont utilisées surtout dans le domaine génétique, biologique, embryologie, mm-hmm. oncologie, pharmacologie, toxicologie, bon bref, dans un vaste domaine. Et bon, la souris a une espérance de vie d'estimée d'environ 2 ans si elle est domestique, et à l'état sauvage, on dit environ 6 mois. Mais on s'en sert surtout pour faire nos expériences parce que c'est un mammifère qui a un génome qui est assez près de celui de l'humain. Et les scientifiques ont classé environ 4000 grandes familles de souris d'après leur comportement ou leur physiologie. Okay. Ouais. Donc, il y a toute une collection de familles de souris donc qu'on peut utiliser à des fins de recherche. Oui. Et pour les études faites avec les animaux de laboratoire, il y a déjà des standards qui s'appliquent à ces animaux-là. Il y a des règles à respecter, mais c'est pas exactement fort établi ou très, très détaillé. Et il y avait justement un article qui était paru dans le Science et Vie de février dernier, mm-hmm. qui raconte en fait l'histoire surtout du chercheur Diego Restrepo, qui est professeur au département de cellules et biologie développementale et qui est directeur du programme neurosciences. Et il y a lui et son équipe de l'école de médecine de l'Université du Colorado aux États-Unis qui se sont penchés sur la question de l'environnement de ces souris de laboratoire et qui en ont fait des découvertes tout de même assez étonnante, là, pas nécessairement rassurante, mm-hmm. finalement, pour le domaine de la recherche. Et en fait, ce qu'ils ont détecté, c'est une grande différence dans le comportement des souris mâles, qui sont finalement plus agressifs dans certaines conditions. Donc, par exemple, illustre-nous, ça veut dire qu'on les met selon les conditions, donc leur cage, la façon dont on les manipule, il y en a qui vont être plus agressifs que d'autres, c'est ça? Oui, bien, en fait, c'est que la ventilation de la cage, justement, change le comportement. Et ceux qui étaient dans des cages ventilées, étrangement, étaient plus agressifs que ceux qui étaient dans des cages non ventilées. Mm-hmm. Et finalement, bon, la réaction a été attribuée aux odeurs d'urine du voisinage qui était finalement la cause. Mm-hmm. Parce que, bon, chez les animaux, les urines vont servir à identifier à qui ont affaire, finalement. Non, ben, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est un concurrent à écarter? Est-ce que c'est un partenaire sexuel potentiel? Ouais. Bref, la ventilation était vraiment la cause, là, ici. Et dans le fond, c'était que, bon, moi, je me suis posé la question, est-ce que la ventilation chassait les odeurs ou est-ce qu'elle amenait les odeurs un peu plus au nez? Et non, finalement, ça chasse les odeurs. Et comme ça, les souris ne reconnaissent plus les odeurs de leurs voisins. Ah. Et ils ont tendance finalement à s'attaquer un peu plus souvent entre eux. Là. Mm-hmm. Et les preuves, ils ont eu leurs preuves aussi à faire des recherches sur les particularités neurologiques. Et ils ont observé qu'il y avait une région du cerveau qui sert à analyser les odeurs, en fait, qui est le bulbe olfactif, oui, qui a subi des modifications. Et se sont rendus compte qu'il y avait diminution dans la taille et dans le nombre de zones du bulbe olfactif quand les cages sont ventilées. Et les souris ne reconnaissent tout mm-hmm. simplement plus les odeurs. Là, ils deviennent finalement plus agressifs. Mm-hmm. Mais finalement, est-ce que tu sais ce que c'était le point de départ de l'expérience? C'était d'étudier l'agressivité des souris? C'était ou finalement, c'est quelque chose dont ils sont aperçus simplement parce que comme une observation qui est arrivée parce qu'il y avait des cages qui étaient ventilées et d'autres non ventilées? En fait, je pense que c'était qu'ils ont dû observer. Là, est-ce qu'ils avaient vraiment fait une étude là-dessus au départ? Je crois pas. Mm-hmm. En fait, l'article est spécifique. Donc, simplement, ils ont vu que la ventilation de la cage avait un effet sur le comportement des souris. Et donc, après, bon, dans les laboratoires ailleurs, selon si les gens ventilent ou pas leur cage, ça va influencer le comportement des souris. Et ce n'est pas forcément le sujet de leur expérience, pourtant. C'est ce qui leur a amené, par exemple, à faire d'autres expériences, justement. Et parce que là, c'est ça, ils se sont rendus compte que dans le fond, il y avait quand même une grande différence de comportement, ce qui mm-hmm. était quand même assez important dans leurs études aussi. Et finalement, le bulbe olfactif aussi, qui réagit pas seulement à l'odorat, mais qui réagit aussi sur la recherche de nourriture. et aussi sur le sens de l'orientation, étrangement. Hein. Et ça, ça a amené les chercheurs à se dire que, par exemple, si on faisait des tests, par exemple, sur une souris dans un labyrinthe, et qu'elle démontrait des signes de perte de mémoire, ou, bon, voire Alzheimer, par exemple, ça pourrait être dû simplement là, à une altération du bulbe olfactif, et finalement, juste parce qu'à l'odeur, ils ne perçoivent pas l'odeur de la nourriture, là, au lieu d'être complètement une perte de mémoire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas une vraie perte de mémoire. C'est pas un symptôme de la maladie d'Alzheimer, mais parce que... parce que l'odeur de la nourriture, ouais. C'est tout simplement ouais. pas... Oui, fait que finalement, c'est quand même assez important comme découverte. Ben oui, parce que ça prête à des interprétations des résultats erronés éventuellement. Mais oui, tout à fait. Et bon, ben, il y a quand même encore beaucoup de scientifiques aujourd'hui là, qui se disent que c'est pas que c'est plus ou moins anodin comme, comme situation, comme environnement. Bon, peut-être qu'il y a d'autres études aussi qui ont repris ce travail. Oui, mais oui, c'est ça. Il y avait un chercheur, le docteur Donald Hebb, en 1947, lui, qui s'était rendu compte que quand il ramenait des rats de l'école de ses enfants, ben en fait, je ne sais pas si c'était ses enfants, mais les rats qui passaient la journée comme ça en compagnie d'enfants et à se faire manipuler, il y avait plus de facilité à résoudre des tests sur le comportement. Et finalement, bon, il y a des chercheurs ensuite qui se sont intéressés à la question. Et le fait de s'amuser comme ça dans un tunnel ou dans une roue, ça démontrait une augmentation des capacités cognitives. Puis en fait, on retrouve aussi le même style de comportement chez l'humain. Oui. Aussi, là, on va jouer dehors, on est plus alerte, après ça, on est plus concentré. Donc, ça date pas d'hier que les scientifiques ou certains scientifiques savent qu'une certaine perturbation est due à juste une petite modification de l'environnement. Hein. Puis, si j'ajoute encore une autre expérience, il y a en 1990, on parle quand même de il y a quelques années encore, il y a le chercheur John Crabb du Centre de recherche sur l'alcoolisme à Portland, aux États-Unis, qui a fait une étude où, finalement, il mutait un peu des souris. Il créait des souris qui avaient une déficience en sérotonine, qui est un neuromédiateur du cerveau. Et par la suite de ces mutations-là, les souris semblaient bizarrement portées sur l'alcool. Donc, lui, finalement, il pensait avoir fait une découverte tout de même intéressante là, sur l'addiction sur l'alcool, manque de sérotonine. Et finalement, il aurait fait la même étude avec deux autres laboratoires. Et finalement, les autres laboratoires donnaient des souris complètement sobres qui n'étaient pas du tout portées sur l'alcool. Et bon, mais là, il est où? Ben oui, finalement, c'est que à son laboratoire, à lui... lui-même étant extrêmement allergique aux poils de rongeurs et sa collaboratrice aussi, c'est que il avait tendance à beaucoup moins manipuler les souris et à avoir aussi des protections supplémentaires, des gants, bon, etc. Et les souris, ben, augmentaient leur stress. D'accord, ouais. Donc, finalement, elles devenaient tellement stressées et on sait, bon, c'est comme ça chez l'humain, c'est comme ça pour tout le monde, l'alcool, ça détend. Ouais. Et donc, les souris étaient plus portées sur l'alcool. Ah, ouais. Ça fait que c'était vraiment... Alors, ça résume un peu sur le contact humain. Ben, alors, c'est ça. Dans les autres laboratoires où ils ont, et c'était peut-être pas des gens qui étaient allergiques, ont peut-être pas pris les mêmes précautions pour toucher les souris, peut-être pas de gants ou. Non, et finalement, là, les souris se sont retrouvées moins stressées et ont pas fait les mêmes réactions, là. Non, c'est donc, ça. La même expérience, mais réalisée par des gens qui manipulent différemment les souris, ça a donné des résultats différents. Oui. Et justement, ben, comme là, finalement, tout ce qui était une histoire de ventilation, de stimulation et finalement même de goûts différents de l'eau, de la nourriture, des changements d'odeur, soit que la cage soit placée différemment, ou tout ce qui était manipulation, finalement, venait entrer en ligne de compte sur les résultats des analyses. Ouais. Et ben là, ça fait que il y a deux chercheurs, qui ont décidé de se pencher un peu plus sur la question. C'était, Jane Hurst et Rebecca West de l'Université de Liverpool en Angleterre qui ont fait un peu des recherches là-dessus et ils en sont arrivés à la conclusion que si on prend, par exemple, la souris au creux de la main, plutôt que par la queue, ben elle sera beaucoup plus sociable. Mm-hmm. Par la queue, ça fait finalement une souris un peu plus antisociale, beaucoup plus stressée. Mm-hmm. Et juste ça, c'est assez pour changer une étude, là, c'est assez faramineux. Et c'est ça, il y a quand même des règles qui existent, mais souvent, tout dépendant des pays, les règles vont changer. Là. Il y a quand même un organisme qui régit un peu, les conditions des animaux. Il y a l'ICLAS, qui est l'organisation destinée au progrès de la santé humaine et animale, là, finalement, qui est le Conseil international des sciences de l'animal de laboratoire, oui. Mm. Et eux régissent un peu tout ça, mais c'est pas assez précis. C'est ça, ça va peut-être pas jusqu'au détail quel degré de ventilation mettre dans une cage ou comment manipuler les souris par deux doigts ou par la queue. Ça va peut-être pas jusqu'à ces détails-là, c'est ça. C'est ça, et aussi que toutes les manipulations faites comme ça sont pas répertoriées, sont pas notées. Ouais. Dans les protocoles, mais même dans les rapports aussi, ça, dans les cahiers de laboratoire, ils ne sont pas notés. Pas jusqu'à ces détails-là, non, c'est ça. On dit qu'on va mettre l'animal dans une... qu'on va mettre trois souris dans une cage et qu'on va leur donner à manger peut-être, mais ça ne va pas jusqu'aux détails. Mais c'est ça, combien de souris, par exemple, ça me vient comme ça, combien de souris est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'une même cage? Ouais. Bon, ça reste à voir tout ça. C'est, Donc tout ça, après, va influencer le comportement de la souris. Et éventuellement, donc, changer les résultats de l'expérience. C'est assez intéressant d'un peu plus près, je pense. Oui, effectivement, c'est assez intéressant. Donc, merci de nous avoir mis la puce à l'oreille pour rester dans le domaine de la souris. Ça m'a fait plaisir. Donc, merci beaucoup, Isabelle, donc, pour cette première chronique. Et puis, bien sûr, il y en aura d'autres. Tu vas revenir régulièrement une fois par mois, je crois. Oui. D'accord. A priori, oui. Parfait. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Valérie. Donc, on fait maintenant une pause publicitaire sur CKRL 89,1.